Gérard Deltel, bon matin. Bon matin. D'abord, bravo. Merci. Content ou pas? Parce que on en parlait en dehors des ondes, là. Moi, je me rappelle du 12 mars, sondage FM 93 ici, puis on n'est pas les seuls, éthiques. Troisième dans Québec, là. Moi aussi, je m'en souviens. Des gens disaient peut-être un ou deux députés, peut-être trois. On en avait 22. Ouais. Avec 2% de votes de moins que le PQ. La majorité de vos gros canons ont été élus. Alors, quelle est votre première réaction ce matin? Ben, honnêtement, c'est une montagne russe d'émotions. Parce que, d'abord, merci aux gens de Chauveau. Merci aux gens de Loretteville, Lac-Beauport, Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, le monde que je représente avec affection depuis 5 ans et demi, puis m'ont encore honoré de leur confiance avec une grosse majorité, là. Vraiment, merci. C'est émouvant. Je vais dire une affaire, c'est émouvant. En fait, la politique, c'est bien beau, mais au-delà de ça, c'est du monde qu'on représente. Puis quand le monde, spontanément, dise merci, continue ta job, merci à vous autres. Mixed feeling parce que on a perdu des bons joueurs à Québec. On a perdu des maudits bons députés. La population s'est exprimée. Je respecte ça. Mais c'est clair que pour Sylvain, pour Micheline, pour Denise, pour Jacques, moi, j'ai de la peine. Je les ai vus travailler fort. Je les ai vus travailler bien. Ils ont bien fait leur travail. Ils ont strictement rien perdu personnellement. C'est pas leur défaite personnelle. Il y avait un mouvement ici à Québec qui disait ben faut mettre tous nos œufs dans le même panier puis on vote libéral pour éviter le vote le gouvernement péquiste. C'est malheureux mais ça a été ça. Alors bravo à ceux qui ont été élus, moi je les respecte. Puis pour nous, ben là l'avenir est prometteur pour la coalition. Parce qu'avec 22 députés, des gens chevronnés qui sont là, un mélange de députés d'expérience avec des nouveaux députés de qualité. Pour vous dire une affaire, surveillez ce nom-là, là, André Lamontagne. Le gars qui s'est fait élire dans le coin de Drummondville, c'est un homme d'affaires qui a décidé de s'engager en politique. Moi, je l'ai rencontré, j'ai fait campagne avec lui puis avec Chenille Berger dans Drummond. Est-ce que c'est lui qui a battu François Blanchet? Exactement. Surveillez-le. Il a battu un ministre sortant. Surveillez-le. On a Claire Sanson aussi, on a Mario Laframboise, c'est juste les noms qui sont les plus connus. Okay. Mais surveillez la cohorte qui s'en vient chez nous. On a 4 ans pour démontrer qu'on est la véritable alternative au Parti libéral. Et surveillez-nous, on va faire notre travail. Je veux revenir un peu sur l'autopsie de la défaite. Je vais vous faire entendre rapidement, on a Denise Trudel et Christian Dubé qui se sont exprimés sur le recul de la CAQ à Québec comme tel en termes de députés. Vous avez reculé, on va écouter ça. Les écouteurs sont juste là, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors, je pense beaucoup plus que c'était un vote anti Pauline Marois. Ouais, anybody but Pauline, là, ce qui circulait un peu là, dans certaines radios, comme au FM 93. C'est peut-être un petit peu ça, selon vous. Ben, disons que là-dessus, le FM 93 a peut-être une victoire ce soir. Là, quand on regarde à Québec, oui, je pense que ça a le plus... parce que je vous dirais que les deux premières semaines de la campagne, on l'entendait beaucoup sur le terrain. Certains de vos collègues avec qui j'ai parlé ce soir ont pointé du doigt un peu les radios de Québec. Ah, je suis certain que c'est le gros facteur. Les gens vont se rendre compte que lorsque les gens recommandent de faire une chose comme le Anybody but Pauline, les gens ont embarqué là-dedans. C'est malheureux, là. On est poigné avec les libéraux pour les 4 prochaines années comme majoritaire. C'est grave, là. Il faut que les radios réalisent ce qu'ils ont fait. Puis moi, je suis très déçu de ça. Gérard Deltel, a-t-on autant de pouvoir que ça? Il y a personne qui est obligé à vous écouter. Vous dites ce que vous voulez, puis les gens réagissent en fonction de leur émotion. Il est clair que le mouvement qui disait aux gens, écoutez, il faut se boucher le nez s'il faut, on va voter libéral s'il faut, même si on n'est pas d'accord avec ça, c'est clair que ça joue un facteur. Est-ce que c'est le facteur numéro 1? Je crois que oui. Est-ce que c'est le seul facteur? Non. Puis ça, c'est à nous à se faire une rétrospective. C'est pas vrai qu'on perd 4 députés juste parce qu'il y avait un slogan qui était dans l'air. Il faut qu'on se regarde aussi. Mais moi, ce que je sais, c'est que mes collègues, mes anciens collègues députés ont travaillé avec acharnement et bien fait leur travail. Et puis, c'est sûr que oui, il y a bien du monde. Puis même dans mon comté qui m'ont dit, Gérard, on t'aime bien, là, mais là, cette fois-là, on veut surtout pas que les péquistes se rendent, tu sais. C'est parce que si tu votes libéral, tu m'affaiblis, puis j'ai une grosse majorité. Regarde, il y a des gens qui, on avait beau répéter, jour après jour, les argumentaires sur le fait que ça va nous coûter plus cher, sur les éoliennes qui n'ont pas de bon sens, sur les mini-centrales, sur les hausses de taxes scolaires et santé, tout ça, ça rentrait pas. Il y a des gens qui voyaient le danger d'un référendum et le danger du PQ. C'est ça. Mais est-ce que ces gens-là, évidemment, vous me direz pas qu'ils ont eu raison parce qu'ils n'ont pas voté CAQ, mais en voyant Bernard Drainville chanter puis pécoper le pays hier, là, moi, j'ai vu la cage aux morts, j'ai vu le piège, là, et j'étais content de pas avoir embarqué là-dedans, là. Même si le PQ a passé le temps à dire, il n'y en a pas de danger, on fera pas de référendum, aussitôt que le vote est fini, le pays est ressorti. Ouais. Donc, il y a peut-être des gens qui se sont rangés, oui, derrière les libéraux pour contrer ce phénomène-là. Bien entendu, mais si c'était rangé derrière nous, ça aurait strictement rien changé. Les 4 députés que nous n'avons plus à Québec, mettez plus 4, mettez moins 4 au Parti libéral, sont encore libéraux. Mais ça, on ne savait pas hier. hier. Mais ça, on le savait pas hier. Mais hier, les gens le savaient pas ça. Heureusement que la CAQ était là, parce que tous les gains qu'on a fait dans le 4-5-0, on est allé manger du péquiste, là. C'est là qu'on a fait notre majorité. C'est là que le PQ a complètement été disloqué. C'est grâce à la coalition que le PQ maintenant est devenu une entité, malheureusement, je dirais pas négligeable, faut être prudent, mais qui ont mangé une méchante volée hier. C'est grâce à dans la CAQ. Dans le 4-5-0, il y a eu des gains importants. Merci c'est vrai. À la CAQ d'avoir justement été capté tous ces comptes dans le 4-5-0. Il y a peut-être tout le facteur anybody, Bob Pauline. Peut-être. Moi, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais bon. Mais mettons peut-être. Je vous en suggère un deuxième. Allons-y. Quand François Legault est venu dire que si jamais il prenait le pouvoir, il allait former son conseil des ministres et il allait avoir sa première ligne avec plein de députés que je connais pas pantoute, son entourage de Montréal. Et là, la deuxième ligne. Et là, il vous nommait Gérard Deltel, Éric Kerr, Sylvie Roy, tous les gens à Québec qu'on a... Je sais qu'on vous apprécie. Les gens vous ont réélu. Ça veut toujours bien dire qu'ils vous aiment. Moi, je pense que ça a été une erreur de François Legault de reléguer tous les anciens de l'ADQ dans ce qui est appelé la deuxième ligne. Moi, sur les médias sociaux, des amis à moi, il y en a plein que j'ai vu ça. Ah ouais? Legault met tout en arrière ceux qu'on aime le plus. Est-ce que ça n'a pas été une erreur, ça? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question qui portait sur les administrateurs, ceux qui ont de l'expérience en gestion. Je suis bien fin, là, mais j'ai été journaliste dans ma vie. Moi, j'ai géré un bureau de comté depuis 5 ans et demi, puis j'ai géré mon portefeuille personnel. Remarquez, si j'ai pas de dette, puis j'ai des sous de côté. Peut-être que si l'État était géré comme je gérais mon portefeuille, ça irait bien. Mais ça, je rentrerais pas dans ma vie privée. Je n'irais pas dans une grosse maison. Je vis dans un beau petit condo à Loretteville. Je suis très heureux, mais c'est ça. Moi aussi, peut-être, j'aimerais avoir une grosse maison sur le bord du lac Saint-Charles, mais j'ai mon condo à Loretteville, puis je suis très heureux. Faut vivre selon nos moyens. Ça, là-dessus, m'a dire une affaire. What you see is what you get. Moi, le discours économique de la coalition, je l'incarne absolument. Alors, quant au reste, moi, garde ces déclarations-là. Est-ce que ça a été une erreur de M. Legault? Ça vous a pas...